كان مدرسا من قبل وهو الآن موجه في المدارس الثانوية. نعم. Donc il dit il était enseignant auparavant et il est actuellement un mouajir, ce serait un recteur. Ceux qui dirigent dans les écoles, c'est quoi leur nom? Recteur à la base, recteur c'est au-dessus de directeur. Recteur c'est dans plusieurs écoles. Mais celui-là, là, le mouajir, comme on dit, c'est celui, il est en dessous du directeur de l'école et au-dessus des pions. Il se déplace de classe en classe, il s'occupe des absences, des choses comme ça. J'ai oublié son nom. Donc il a cette fonction-là, tu vois. Dans les écoles, au collège plutôt. Non. Dans les écoles. Omaza Yamel Abouka, Ya Yaqoub. Et quel travail fait ton père, O Yaqoub? Donc il dit qu'il était policier, il est actuellement à la retraite. Mutaqaïd, c'est retraité. Dans les sakoul. Ya babak, kultali kobl salasi sanawatin, in abaka amidun kuliyati l'hendasa. Amutaka'idun wal'en. Donc il dit, ô Abou Bakr, ou Ababak, tu m'as dit il y a 3 ans que ton père était, pareil le Hamid, je sais pas comment traduire. C'est comme une sorte de. Un peu comme Wajir, chef de, d'une section. Tu vois, dans la faculté d'ingénierie. Je sais pas comment on traduirait. Amutakaïdun Hualen. Ça, c'est des trucs propres, tu vois. C'est, tu peux pas les trouver vraiment. Maintenant, dans le Carmo, si tu vas pas le trouver, à part si tu, tu mets. Ramidi, ça se trouve, ils vont peut-être un pilier. Tu vois, c'est Ram. Et là, ils veulent dire un truc propre par, par rapport à l'éducation. Et j'ai oublié comment il s'appelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un poste, qui a mis. Principal dans, dans, dans la faculté. Oui. T'as coupé ta zile? Mm-hmm. Ah, j'ai voulu le petit rouge. La, la, la. La, la, yazalu amidan. Donc il dit non, il est toujours amid. Amdolus yakoul. Ya akhtar, samitu ana haka tabibun shahir. Wa yatini l'marda, ou yatini l'marda. من جميع أنحاء باكستان وأنحاء باكستان الصحيح هذا donc il dit يا أختار j'ai entendu que ton frère était un célèbre médecin et que les malades lui venaient de toutes les directions du Pakistan est-ce que cela est vrai donc ouais. Afwan juste tombi أنحاء là c'est le diable de Nahu qui veut dire direction en fait viennent de partout du Pakistan quoi. Vous voyez là de la direction نعم فضل. نعم هذا صحيح يا فضيلة الشيخ. دي cela est vrai au grand cher. On va dire grand. Dans les sakoul. يا عثمان اذهب الى المكتبة وهات الجزء الثالث من لسان العرب. Donc il dit عثمان va à la bibliothèque et ramène le deuxième, le troisième volume de لسان العرب. C'est la langue arabe, c'est le nom du livre, ça s'appelle comme ça. لسان العرب. يا فضيلة الشيخ. أظن أن لسان العرب معجم. Donc il dit, oh grand cher, je pense que لسان العرب est un dictionnaire. Voilà, c'est cool. نعم ومعجم كبير في 20 جزءا. Il dit oui, c'est un grand dictionnaire en 20 volumes. لمن هو يا فضيلة الشيخ. De qui est-il, au grand cher? Donc il dit, il est Wali ibn Manzur. Il est de Ibn Manzur. يرجع عثمان. عثمان revient. المكتبة مغلقة الآن يا شيخ يقولون إنها كانت مفتوحة إلى إلى كوا؟ إلى أذان الظهر. سي كوا لاغي كوا لا شوبا؟ أذان الظهر. كومون هي؟ سي كوبي؟ إلى أذان الظهر. نعم. يجي لا بيبليوتيك إي فيرمي ماتنون أو شيخ. يديس كو إل إتيت أوفيرت جوسك على جوسك الأذان دو الظهر. دونيس يقول يا عباس قل لأخيك الذي يدرس في السنة يدرس عفوا يدرس في السنة الثانية يأتيني غدا. Donc il dit, oh Abbas, dis à ton frère qui étudie en seconde année qu'il me vienne, qu'il vienne me voir demain. سأقول له إن شاء الله. Dis, je lui dirai, inshallah. Non. فالأسئلة